presque une transition. Je remarquais au fond que ce que vous aviez monté, Pascal Burezi, c'est un petit UMR privé. Et après tout, ça marche pas mal. Parce qu'il y a beaucoup d'argent. Il y a un volume modeste de chercheurs qui sont respectés et qui travaillent sur le mode d'une UMR, c'est-à-dire dans une certaine liberté scientifique. Voilà. Mais bon, ça, c'est évident que c'est assez exceptionnel. En revanche, moi, je n'attends pas le grand soir. Mais je ne pense pas qu'on puisse s'en sortir avec ce système du tout. Je pense que nos discussions qui consistent à dire comment faire pour aménager tout ça sont des impasses. Et bien entendu, il faut respecter le droit du travail, et c'est jamais acquis, sans une vigilance de chaque instant. Et il faut être correct avec les signatures. Il y a mille détails sur lesquels il ne faut pas lâcher pied une seule seconde, mais ça ne résoudra rien. Il faut fermer l'ANR. Ou plutôt, il faut en réduire, vous riez, mais on va le faire. Si on s'y met tous ensemble, on va le faire. Tout ça n'est pas inscrit dans les astres. L'ANR a pris une importance évidemment excessive. Il faut une ou des agences de financement contractuel, c'est très bien tout ça. Mais il faut évidemment en réduire le volume de 80 à 90% et de mettre tout ça pour créer des postes. C'est ça la bataille de l'année prochaine. Il ne faut pas considérer qu'elle est perdue d'avance. Autrement, qu'est-ce qu'on fait là ? Voilà. Moi, je pense que l'absurdité de... Si on a peut-être une tâche aussi à avoir, c'est pour tout ce qui a été dit aujourd'hui, du point de vue des conditions de vie et de travail absurdes qui sont faites aux personnes qui sont dans ces situations, et on peut aussi, je pense, ça, on n'en a pas tellement parlé, mais voir le mal que ça fait à la science. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'on arrive à produire dans des conditions pareilles? On n'en a pas tellement parlé ce soir, peut-être faudrait y revenir. Mais en ce qui me concerne, je pense qu'il faut viser à arrêter ça. Voilà, et plaider fortement une position comme celle-là, partout on peut avoir, et le moment venu... tenter de l'imposer à des autorités politiques éventuelles de l'année prochaine. L'imposer, oui. Enfin, on sait quand même agir de temps en temps à des échelles collectives. Voilà. Excusez-moi, j'avais ça sur le cœur depuis... Juste ajouter que 80% ou 90% du personnel de l'ANR sont des contractuels. Sont des post-docs en contrat précaire. Les gens qui font des tâches du secrétariat, etc. Oui. Il y a des chargés de mission ANR dont on ne renouvellera pas le contrat. Mais un gestionnaire, c'est le faudra les titulariser.